Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série numéro 2 de À l'affiche, qui sera consacré aujourd'hui aux réponses du blind test qui a été posté dans l'épisode hors série numéro 1 qui est sorti en février 2015. Alors sans plus tarder, on va faire un petit rappel des faits. Il y avait 13 extraits à trouver qui comportaient entre autres des grands studios de production, des grandes chaînes de cinéma. Vous aviez la possibilité de pouvoir envoyer les réponses dans un formulaire Google Doc. Alors je vais remercier Etienne B, Picabou et Parcimonie qui ont pris le temps de saisir leurs réponses dans ce formulaire. Vous n'avez pas eu bon partout, hein. Il y a des choses où j'ai été un peu surpris, mais bon, on y reviendra plus tard. Et merci aussi à vous qui prenez encore le temps de m'écouter régulièrement lorsque je sors un nouvel épisode. Et donc, sans plus tarder, on attaque avec l'extrait numéro 1 à trouver. Alors, pour ce premier extrait, c'était pas très compliqué, hein, c'était Universal Studios. On les présente plus, c'est un énorme studio hollywoodien qui fait une production de films. Je vais pas vous les détailler un peu plus parce que sinon ça me prendrait un exposé de 3 quarts d'heure. Si vous voulez plus d'informations, renseignez-vous sur internet. Bon, allez, on passe à la suite. Bon, ce deuxième, c'était un classique, hein. C'était UGC, hein. Vous connaissez sans doute un peu tous. Oui, si, vous connaissez. C'est ces trois lettres, là, le U, le G et le C, qu'on voit danser dans l'air sur un fond noir, avant de former le fameux logo. Et ben voilà, c'est ça. Ils possèdent entre autres un énorme réseau de salles de cinéma en France, et font aussi de la production de films français. Voilà, c'était un classique, je trouvais, c'est assez facile. Pour en revenir aux réponses, alors pour l'instant, des trois personnes qui ont répondu, vous avez eu tout bon. C'était pas très compliqué, je dois l'admettre. Et bon, on va passer à la suite, et là ça commence à se corser un peu plus. Alors, pour ce troisième extrait, j'ai eu tout, hein. Moi, je le trouvais assez évident, c'est le logo, on va le dire tout de suite la réponse, c'est Warner Bros. Mais si, vous connaissez sans doute qu'il y a très forte chance, hein. Vous les voyez, notamment, si vous avez déjà vu des films Harry Potter, vous avez déjà vu leur logo, forcément. C'est un peu comme Universal Studios, c'est une énorme maison de production de films basée aux États-Unis. Alors là, pour les réponses, j'ai eu un peu de tout. Je vais tout d'abord féliciter Picabou, qui a eu bon, qui a deviné Warner Bros. Puis après, c'est assez curieux, parce que je trouvais ça assez facile, dans le sens où on le voit un peu partout, mais j'ai eu Parcimonie, qui m'a répondu Columbia Pictures. Raté, c'était pas ça. Et j'ai aussi Etienne B, qui m'a mis Pathé. Alors, après, quand t'écoutes Warner Bros. Et Pathé, il y a une ressemblance, c'est vrai, mais raté, c'était pas le bon. Bon, c'est pas grave, c'était un peu compliqué. Le deuxième, le quatrième, j'ai été agréablement surpris. Je vais vous le dire tout de suite, moi je le trouvais assez compliqué. Quand j'ai fait mes recherches, je l'avais déjà entendu, mais je connaissais pas la marque. Et pourtant, j'ai eu aucune erreur dessus. Bon, allez, on va enchaîner, parce qu'on va atteindre 5 minutes d'émission et on n'aura même pas fait la moitié. Le suivant, c'était pas très compliqué, c'était Metropolitan Film. C'est un logo, vous connaissez, vous avez sans doute déjà vu, moins répandu que Warner Bros. Ou Universal Films, mais c'est un cheval qui danse avec un effet lumineux et après on le voit cabré, pas comme le logo Ferrari, mais on le voit le cheval cabré sur un fond noir. C'était assez facile. Bravo à vous trois, Picabou, Etienne B et Parcimonie, vous avez tous les trois trouvé celui-là sans hésiter. C'est assez curieux parce que quand j'ai préparé l'émission, celui-là, comme je vous l'ai déjà dit, je le connaissais pas. Enfin, connaissais pas. Je connaissais pas la marque. Et pourtant, vous avez tous les trois trouvé. Donc, bah, bravo à vous. Allez, on active, on passe au cinquième. Ah, un logo vin, des spots qui dansent tout autour. Celui-là, c'était assez facile, vous l'avez tous trouvé. C'était la 20th Century Fox. Alors bravo à tous, là, vous avez tous trouvé. On passe à la suite. Et bah le voilà. Et bah le voilà, c'était celui-là le logo pâté. Vous avez eu tout bon pourtant, mais il y en a certains qui l'ont mis deux fois. Bah dommage. Donc bah bravo à vous trois, et puis on attaque le suivant. Alors celui-là, là, l'extrait numéro 7, je vais vous dire la réponse, c'était Columbia Pictures. Et mais pourtant, il y en a certains qui ont mis d'autres réponses, alors ce n'est que mon impression, j'ai pas fait le test autour de moi avant de poster leur série numéro 1, mais je pensais pas que ça allait être un des extraits qui allait être les plus compliqués. Parce qu'on a Picaboo qui a bien répondu, qui a trouvé Columbia Pictures. Mais on a également Etienne B qui nous a répondu Warner Bros. Et Parcimonie qui a répondu New Line Cinema. Dommage, c'était pas ça. Alors, bah, bravo à Picaboo qui a trouvé. Et puis, bah, bravo à ceux qui m'écoutaient sur vos téléphones ou vos lecteurs MP3 ou iTunes, peu importe. Et qui l'avaient trouvé également. On passe maintenant au suivant. Alors le suivant, alors c'est THX. THX que vous connaissez sans doute, que vous avez sans doute déjà vu. Ça a été fondé par George Lucas. Et c'est une société qui est chargée de. Qui développe des systèmes. Alors je vais citer du Wikipédia. Des systèmes de restitution de l'image et du son. Alors de ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires si je dis une grosse bêtise. Mais je pense que c'est un peu comme vous avez du Dolby et vous avez THX pour le son par exemple. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est l'impression que j'en ai. Alors bah, celui pour celui-là, vous avez tous trouvé. Bravo à vous. Alors bah, ce numéro 9, un truc assez classique, c'est Walt Disney Studio. Vous le connaissez, hein, ils possèdent un parc à Paris et d'autres dans le monde entier. Ils produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, dont le dernier qui est Les Nouveaux Héros, que je suis allé voir au cinéma très récemment. Je vous en ferai peut-être un retour dans une prochaine émission, qui est assez intéressant, qui est très intéressant. Et on passe au suivant qui est un classique également. Bah cet extrait, si vous avez déjà vu Shrek, il est pas très compliqué. C'était DreamWorks. Avec, vous avez sans doute déjà vu le logo, avec un enfant qui est assis sur la lune et un plan dans les étoiles avec les lettres qui apparaissent ensuite. C'est un film d'anim, un studio d'animation, pardon, qui a produit entre autres les 4 films Shrek et d'autres aussi que je ne pourrais pas vous citer sur l'instant, mais qui sont aussi assez connus. On passe au suivant. Bon alors celui-là on le présente plus, je vais pas trop m'étaler dessus, c'était Walt Disney Pixar. Vous les y connaissez, hein, ils ont déjà fait des gros films, notamment Toy Story, hein, qui est un classique du film d'animation encore actuellement. Donc bah j'ai pas trop détaillé dessus parce que pareil c'est un énorme studio. Il me semble qu'ils sont rattachés à Disney maintenant. Bon, on passe à la suite. Et pour cet avant-dernier extrait, et bah c'était New Line Cinema. Alors bah bravo à Étienne et Picabou qui ont bien répondu. Et puis bah dommage parcimonie qui a répondu Warner Bros. C'était pas ça. Allez, on passe au dernier, c'est un classique. Vous connaissez sans doute. Je vais même vous faire une petite devinette. Si je vous dis 01 47 47 20, vous me répondez. Et puis je passe l'extrait et on attend la réponse. Et pour ce dernier extrait, si je vous dis 01 47 20 001, vous me dites, eh ben oui, Jean Mineur. Vous savez, c'est le petit mineur qu'on voit des fois au début lors des pubs pendant les cinémas. Vous le connaissez, c'est le plus grand classique dans les salles de cinéma françaises. Tout le monde l'a trouvé, hein. C'était une évidence pour tout le monde, c'était pas très compliqué. Et donc bah voilà, bravo à tous, merci d'avoir écouté le premier hors-série et ses réponses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit par Twitter, sur mon compte @oasis35 ou dans les commentaires PodCloud. Ça me ferait plaisir d'avoir des réponses. J'ai d'autres idées à propos dans ce genre de blind test, que ce soit sur d'autres thèmes de cinéma, des extraits. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous intéresserait d'en avoir d'autres. Et donc bah sur ce, je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se dit à la prochaine fois, salut!